5. Les fleurs cueillies et remplacées. « mon Dieu, que je m'ennuie toute seule !» pensa Marguerite après avoir marché un quart d'heure. « Pourquoi donc Madeleine m'a-t-elle forcée de sortir ? Camille voulait bien me garder, je l'ai bien vue. Quand je suis seule avec Camille, elle me laisse faire tout ce que je veux. Comme je l'aime, Camille ! J'aime beaucoup Madeleine aussi, mais je m'amuse davantage avec Camille. Qu'est-ce que je vais faire pour m'amuser ? Ah, j'ai une bonne idée ! Je vais nettoyer et balayer leur petit jardin. » Elle courut vers le jardin de Camille et de Madeleine, le nettoya, balaya les feuilles tombées et se mit ensuite à examiner toutes les fleurs. Tout à coup, l'idée lui vint de cueillir un beau bouquet pour Camille et pour Madeleine. « Comme elles seront contentes !» se dit-elle. « Je vais prendre toutes les fleurs, j'en ferai un magnifique bouquet. Elles le mettront dans leur chambre qui sentira bien bon. » Voilà Marguerite enchantée de son idée. Elle cueille œillets, giroflées, marguerites, roses, dahlias, réséda, jasmin, tout ce qui se trouvait dans le jardin. Elle jetait les fleurs à mesure dans son tablier dont elle avait relevé les coins, les entassait tant qu'elle pouvait et ne leur laissait presque pas de queue. Quand elle eut tout cueilli, elle courut à la maison, entra précipitamment dans la chambre où travaillaient encore Camille et Madeleine, et, courant à elle d'un air radieux, « Tenez, Camille, tenez, Madeleine, regardez ce que je vous apporte, comme c'est beau !» Et, ouvrant son tablier, elle leur fit voir toutes ses fleurs, fripées, fanées, écrasées. « J'ai cueilli tout cela pour vous, » leur dit-elle. « Nous les mettrons dans votre chambre pour qu'elles sentent bon. » Camille et Madeleine se regardèrent en souriant. La gaieté les gagna à la vue de ces paquets de fleurs flétries et de l'air triomphant de Marguerite. Enfin, elles se mirent à rire aux éclats en voyant la figure rouge, déconcertée et mortifiée de Marguerite. La pauvre petite avait laissé tomber les fleurs par terre. Elle restait immobile, la bouche ouverte, et regardait rire Camille et Madeleine. Enfin Camille put parler. « Où as-tu cueilli ces belles fleurs, Marguerite ?»« Dans votre jardin. »« Dans notre jardin ?» s'écrièrent à la fois les deux sœurs, qui n'avaient plus envie de rire. « Comment ? Tout cela dans notre jardin ? Tout, tout, même les boutons !» Camille et Madeleine se regardèrent d'un air consterné et douloureux. Marguerite, sans le vouloir, leur causait un grand chagrin. Elle réservait toutes ses fleurs pour offrir un bouquet à leur maman le jour de sa fête, qui avait lieu le surlendemain, et voilà qu'il n'en restait plus une seule. Pourtant, ni l'une ni l'autre n'eurent le courage de gronder la pauvre Marguerite qui arrivait si joyeuse et qui avait cru leur causer une si agréable surprise. Marguerite, étonnée de ne pas recevoir les remerciements et les baisers auxquels elle s'attendait, regarda attentivement les deux sœurs et, lisant leur chagrin sur leur figure consternée, elle comprit vaguement qu'elle avait fait quelque chose de mal et se mit à pleurer. Madeleine rompit enfin le silence. « Ma petite Marguerite, nous t'avons dit bien des fois de ne toucher à rien sans en demander la permission. Tu as cueilli nos fleurs et tu nous as fait de la peine. Nous voulions donner après-demain à maman pour sa fête un beau bouquet de fleurs plantées et arrosées par nous. Maintenant, par ta faute, nous n'avons plus rien à lui donner. » Les pleurs de Marguerite redoublèrent. « Nous ne te grondons pas, » reprit Camille. Parce que nous savons que tu ne l'as pas fait par méchanceté, mais tu vois comme c'est vilain de ne pas nous écouter. » Marguerite sanglotait. « Console-toi, ma petite Marguerite, » dit Madeleine en l'embrassant. « Tu vois bien que nous ne sommes pas fâchés contre toi. »« Parce que vous êtes trop bonne, » dit Marguerite, qui suffoquait. « Mais vous êtes triste. Cela me fait de la peine. » « Pardon, pardon, Camille, Madeleine, je ne le ferai plus, bien sûr. » Camille et Madeleine, touchées du chagrin de Marguerite, l'embrassèrent et la consolèrent de leur mieux. À ce moment, Madame de Rosbourg entra. Elle s'arrêta, étonnée en voyant les yeux rouges et la figure gonflée de sa fille. « Marguerite, qu'as-tu, mon enfant ? Serais-tu méchante par hasard ?»« Oh non, madame, » répondit Madeleine. « Nous la consolons, Madame de Rosbourg. De quoi la consolez-vous, chère petite ?» Madeleine. « De... Madeleine rougit et s'arrêta. « Madame, reprit Camille, nous la consolons, nous l'embrassons, parce que... » Elle rougit et se tut à son tour. La surprise de Madame de Rosbourg augmentait. « Madame de Rosbourg, Marguerite, dis-moi toi-même pourquoi tu pleures et pourquoi tes amis te consolent. « Oh, maman, chère maman !» s'écria Marguerite en se jetant dans les bras de sa mère. « J'ai été bien méchante, j'ai fait de la peine à mes amis, mais c'était sans le vouloir. J'ai cueilli toutes les fleurs de leur jardin. Elles n'ont plus rien à donner à leur maman pour sa fête. Et, au lieu de me gronder, elles m'embrassent. Mon Dieu, que j'ai du chagrin !»« Tu fais bien de m'avouer tes sottises, ma chère enfant. Je tâcherai de les réparer. Tes petites amies sont bien bonnes de ne pas t'en vouloir. » « Sois indulgente et douce comme elle, chère petite. Tu seras aimée comme elle, et tu seras bénie de Dieu et de ta maman. » Madame de Rosbourg embrassa Camille, Madeleine et Marguerite d'un air attendri, quitta la chambre, sonna son domestique et demanda immédiatement sa voiture. Une demi-heure après, la calèche de Madame de Rosbourg était prête. Elle y monta et se fit conduire à la ville de Moulins, qui n'était qu'à 5 kilomètres de la maison de campagne de Madame de Fleurville. Elle descendit chez un marchand de fleurs et choisit les plus belles et les plus jolies. « Ayez la complaisance, monsieur, dit-elle au marchand, de m'apporter vous-même tous ces pots de fleurs chez Madame de Fleurville. Je vous ferai indiquer la place où ils doivent être plantés, et vous surveillerez ce travail. » « Je désire que ce soit fait la nuit pour ménager une surprise aux petites de Fleurville. Madame peut être tranquille. Tout sera fait selon ses ordres. Au soleil couchant, je chargerai sur une charrette les fleurs que Madame a choisies et je me conformerai aux ordres de Madame. Combien vous devrai-je, monsieur, pour les fleurs et la plantation ? Ce sera 40 francs, Madame. Il y a 60 plantes avec leur pot et de plus le travail. Madame ne trouve pas que ce soit trop cher. « Non, non, c'est très bien. Les 40 francs vous seront remis aussitôt votre ouvrage terminé. » Madame de Rosbourg remonta en voiture et retourna au château de Fleurville. C'était le nom de la terre de Madame de Fleurville. Elle donna ordre à son domestique d'attendre le marchand à l'entrée de la nuit et de lui faire planter les fleurs dans le petit jardin de Camille et de Madeleine. Son absence avait été si courte que ni Madame de Fleurville ni les enfants ne s'en étaient aperçus. À peine Madame de Rosbourg avait-elle quitté les petites, que toutes trois se dirigèrent vers leur jardin. Peut-être, pensait Camille, restait-il encore quelques fleurs oubliées, seulement de quoi faire un tout petit bouquet. Hélas, il n'y avait rien. Tout était cueilli. Camille et Madeleine regardaient tristement et en silence leur jardin vide. Marguerite avait bien envie de pleurer. « C'est fait, dit enfin Madeleine. Il n'y a pas de remède. Nous tâcherons d'avoir quelques plantes nouvelles qui fleuriront plus tard. Marguerite, prenez tout mon argent pour en acheter, Madeleine. J'ai 4 francs. Madeleine, merci, ma chère petite. Il vaut mieux garder ton argent pour les pauvres. Marguerite, mais si vous n'avez pas assez d'argent, Madeleine, vous prendrez le mien, n'est-ce pas? Madeleine, oui, oui, ma bonne petite, sois sans inquiétude, ne pensons plus à tout cela, et préparons notre jardin pour y replanter de nouvelles fleurs. » Les trois petites se mirent à l'ouvrage. Marguerite fut chargée d'arracher les vieilles tiges et de les brouetter dans le bois. Camille et Madeleine bêchèrent avec ardeur. Elles suaient à grosses gouttes toutes les trois, quand Madame de Rosbourg, revenue de sa course, les rejoignit au jardin. « Oh, les bonnes ouvrières » s'écria-t-elle. « Voilà un jardin bien bêché. Les fleurs y pousseront toutes seules, j'en suis sûre. »« Nous en aurons bientôt, madame. Vous verrez. » »« Je n'en doute pas, car le bon Dieu récompensera toujours les bonnes petites filles comme vous. » La besogne était finie. Camille, Madeleine et Marguerite eurent soin de ranger leurs outils et jouèrent pendant 1 heure dans l'herbe et dans le bois. Alors la cloche sonna le dîner et chacun rentra. Le lendemain, après déjeuner, les enfants allèrent à leur petit jardin pour achever de le nettoyer. Camille courait en avant. Le jardin lui apparut plein de fleurs, 1000 fois plus belles et plus nombreuses que celles qui y étaient la veille. Elle s'arrêta, stupéfaite. Elle ne comprenait pas. Madeleine et Marguerite arrivèrent à leur tour. et toutes trois restèrent muettes de surprise et de joie devant ces fleurs si fraîches, si variées, si jolies. Enfin, un cri général témoigna de leur bonheur. Elles se précipitèrent dans le jardin, sentant une fleur, en caressant une autre, les admirant toutes, folles de joie, mais ne comprenant toujours pas comment ces fleurs avaient poussé et fleuri en une nuit, et ne devinant pas qui les avait apportées. « C'est le bon Dieu, » dit Camille. « Non, c'est plutôt la Sainte Vierge, » dit Madeleine. « Je crois que ce sont nos petits anges, » reprit Marguerite. Madame de Fleurville arrivait avec Madame de Rosbourg. « Voici l'ange qui a fait pousser vos fleurs, » dit Madame de Fleurville en montrant Madame de Rosbourg. « Votre douceur et votre bonté l'ont touchée. Elle a été achetée tout cela à Moulins pendant que vous vous mettiez en âge pour réparer le mal causé par Marguerite. On peut juger du bonheur et de la reconnaissance des trois enfants. Marguerite était peut-être plus heureuse que Camille et Madeleine, car le chagrin qu'elle avait fait à ses amis pesait sur son cœur. Le lendemain, toutes les trois offrirent un bouquet composé de leurs plus belles fleurs, non seulement à Madame de Fleurville pour sa fête, mais aussi à Madame de Rosbourg, comme témoignage de leur reconnaissance.